toute façon ça me colle à la peau. Tu sors regardable, tu refais tes lacets. Ton poteau il rentre, tu repenses à la scène. 5 minutes avant ta mère t'a dit de rentrer. Au fond tu vois, est-ce que ça en vaut la peine? Hein? Est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois tes potos partir à l'appel. Tu vois tes potos rentrer à l'appel. Tu te retrouves seul et tu repenses à elle. T'as pas la tête à la fête, mandat sur mandat t'accumule les dettes. Y'a tout le monde qui sait mais y'a personne qui t'aide. Quand t'es mal, plus personne ne répond à l'appel. Ok, t'as grandi, y'a de l'aile. Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, ça paye pas d'être gentil. Oui, y'a de l'aile, de l'aile. Oui, y'a de l'aile, oui, y'a de l'aile, oui, y'a de l'aile. Dans toutes les cités c'est la même. Aux quatre coins du globe, ouais, dans tous les ghettos. Ça se refait juste avec une lamelle. On commence doucement et finit fort. Je n'ai pas d'idole, je n'ai pas de fan. Je n'ai que des supporters et quelques folles. Je traîne dans les halls, on a les mains sales. Trahi par la Honda, trahi par la Zoa. Je suis dans le studio, où il y a de l'Eli. H24 c'est le ghetto, de Marseille à Belly. Une spéciale pour mes nés, Asmalik, Bébéto. Sparrow, Air Ghetto, les frères qui bébétonnent. Mais même El Caribe, elle hier. Une seule que demain sont meilleurs qu'hier. Ok, t'as grandi, il y a de l'Eli. Tous les coups sont permis. On n'est pas tous nés sous la même étoile.